Troisième partie, Jeanne épouse et mère. Il vient mal à la jambe de maître Tixier. Jeanne était mariée depuis 6 mois. Joséphine gouvernait bien la maison et Louise continuait d'apprendre tout ce qu'elle voulait. Un jour, maître Tixier rentra en traînant la jambe. « Qu'avez-vous donc, notre maître? Est-ce que vous vous êtes fait mal ?»« Non, petite Jeanne, mais il m'est venu des boutons à la jambe. » Il y a 1 mois que ça va et que ça vient, et depuis 2 jours j'en souffre tout à fait. Il faut soigner ce mal-là. Je vais aller chez monsieur le curé qui a des remèdes pour tout. Il trouvera bien ce qu'il faut pour vous guérir. Laisse donc, ça n'en vaut pas la peine. Si fait, notre maître, s'en vaut la peine. J'ai toujours entendu dire à ma chère défunte qu'un mal pris à temps n'était rien, mais qu'un mal négligé c'était une ruine. C'est bon, tu iras dimanche. Ce n'est pas quelques jours de plus ou de moins qui feront grand-chose. » Le samedi, quand le meunier vint chercher la fournée, tous les hommes étaient au travail. Maître Tixier monta au grenier et mesura le blé pour le donner à moudre. En descendant, son pied glissa le long de l'échelle. Comme il était presque en bas, sa jambe malade frotta et fut écorchée. Il rentra tout tremblant et se jeta sur une chaise. « Mon Dieu, notre maître, comme vous êtes pâle! Qu'est-ce qui vient donc de vous arriver ?» Maître Tixier, sans répondre, leva le bas de son pantalon, et Jeanne vit une écorchure longue de 4 doigts, avec une entaille toute saignante au bas. Elle chercha tout de suite un bout de linge, le trempa dans l'eau fraîche et l'appliqua sur la plaie. Puis elle envoya Louise chez monsieur le curé. « Dis-lui que ton père s'est blessé sur un mal qu'il avait déjà. Il apportera ce qu'il faut. » Monsieur le curé ne tarda pas à venir. Il apportait une petite bouteille de teinture d'arnica, dont il mit quelques gouttes dans l'eau, et il mouilla une compresse. Il en couvrit la plaie et banda la jambe. Puis il laissa une petite éponge à Jeanne en lui recommandant de s'en servir pour mouiller le linge sans l'ôter, quand il serait sec. Il dit au père Tixier que s'il voulait guérir, il fallait rester au lit 7 ou 8 jours. « C'est bien difficile, monsieur le curé, il y a tant à faire ici. Il faut pourtant rester tranquille. » « Vous n'êtes plus jeune, mon ami, et les plaies aux jambes ne guérissent pas facilement à votre âge. Si vous ne voulez pas être infirme pour le reste de vos jours, restez en repos, comme je vous le dis. »« Et comment donc faire ?»« Ne vous tourmentez pas, notre maître, » dit Jeanne. « Est-ce que grand Louis n'est pas là pour faire ce que vous commanderez ?»« Soyez tranquille, restez au lit une bonne nuitaine, et rien n'en souffrira dans la maison. » Il vient, un officier en remonte, marchander les juments de maître Tixier. Un matin, maître Tixier, qui ne marchait pas encore, était assis dans son fauteuil auprès de la porte. Il vit venir à lui un grand officier de cuirassiers, suivi de son maréchal des logis. « Tiens, s'écrie-t-il en voyant le maréchal des logis, c'est Étienne Durand, de la Tréchauderie. Comment se fait-il que tu sois dans le pays, mon garçon ?»« Parce que j'y suis venu avec mon capitaine, que voilà. Nous achetons des chevaux pour le régiment. » Et je me suis souvenu que votre écurie était toujours bien montée. Jeanne va tirer du vin et du meilleur. Monsieur l'officier, vous allez boire un coup. Merci, mon brave homme, je suis très pressé. Faites donc sortir vos chevaux de l'écurie, s'il vous plaît. Jeanne appela son mari, qui amena les 4 juments devant la porte. Voilà de belles bêtes, dit le capitaine. Je n'en ai pas vu de semblables dans tout le pays. Et il se mit à les examiner, à les faire trotter, galoper. Il rentra pour en faire compliment à maître Tixier et lui demanda combien il voulait les vendre. « Ma foi, monsieur l'officier, je ne me soucie pas de m'en défaire. Ce sont de braves bêtes sans défaut, et je ne les remplacerai jamais. Et puis, sans vous offenser, ce serait trop cher pour vous. On ne donne pas des chevaux de ce prix-là aux soldats. Vous voulez donc les vendre bien cher ?»« On m'a offert 1 200 francs de la grise et 3 000 francs des 3 autres ensembles. »« C'est bien payé. » « Mais ce n'est pas seulement pour mes hommes que j'achète des chevaux. Je suis quelquefois chargé par mes camarades de leur trouver quelques belles bêtes, et justement mon colonel m'a demandé un beau cheval de bataille. Ainsi nous ferons affaire ensemble, si vous le voulez. Je vous dis, monsieur le capitaine, que je n'ai pas envie de vendre mes juments. Pourquoi donc, mon ami? Avec la moitié du prix que je vous en donnerai, vous aurez 2 poulains de 30 mois qui feront parfaitement votre service. » Et qui deviendront à leur tour de beaux chevaux entre les mains de votre homme, qui s'entend si bien à les soigner. Monsieur l'officier, il faut dîner avec nous. Nous traiterons cette affaire-là le verre à la main. Ce n'est que le dîner d'un paysan, mais le cœur y est. Pas pour aujourd'hui, mon ami. J'ai un rendez-vous à la ville avec le maquignon, mais je viendrai après-demain. Et si vous voulez que nous fassions marcher, je me prie à dîner sans cérémonie. C'est dit, monsieur l'officier. Et toi, Étienne, tu n'y manqueras pas. Il faut renouveler connaissance. Merci, père Tixier, je viendrai, soyez-en sûr, dit-il en regardant Joséphine. Maître Tixier veut qu'on donne un bon dîner à l'officier. Allons, Jeanne et toi, Joséphine, il faut se distinguer, mes enfants. Nous allons bien régaler l'officier, afin qu'il se souvienne des dîners du Berry quand il sera retourné à son corps. Le surlendemain, les deux militaires arrivèrent à midi. Le dîner était prêt. Maître Tixier, assis dans son fauteuil de paille, avait la jambe étendue sur une petite chaise et appuyée sur un oreiller. On donna le fauteuil de la maîtresse à l'officier, qui dit en se mettant à table. « Eh bien, maître Tixier, avez-vous fait vos réflexions ?»« Monsieur le capitaine, mangeons d'abord en repos, puis on parlera d'affaires. Simon, va-t'en au cellier, mon garçon. Tu chercheras derrière la cuve dans le coin à gauche, il y a quelques bouteilles de vin vieux que je gardais pour une bonne occasion. Tu vas les apporter sans les remuer et Jeanne les dépotera. » Mais pourquoi ces deux jolies filles ne se mettent-elles pas à table avec nous ? Dit le capitaine en mangeant la soupe. Monsieur, dans notre pays, les femmes ne se mettent jamais à table avec les hommes, et le maître mange toujours tout seul. Je trouve la coutume bonne et je la conserve. Vous avez là une belle famille, ma foi. Je vous en fais mon compliment. Tout n'est pas là, monsieur. J'ai une fille mariée dans le voisinage. Mais cette grande brune n'est pas à moi. C'est notre servante, la femme du laboureur qui soigne les juments. Ce qui n'empêche pas que je l'aime autant que mes propres enfants. Elle a dressé mes filles mieux que si je les avais mises dans les pensions. Et si je n'avais pas ma pauvre femme infirme, là, dans son lit, j'aurais le cœur léger et l'esprit tranquille avec Jeanne et son mari pour soigner ma maison. » Étienne Durand demande Joséphine à son père. « Maître Tixier, dit l'officier, vous devez remercier Dieu de vous avoir donné d'aussi bons domestiques, car on n'en rencontre pas souvent de semblables. Savez-vous qu'on fait très bonne chère chez vous ? Je n'ai jamais rien mangé de meilleur que cette étuvée et cette fricassée noire. Oh, c'est que la petite Jeanne est une fine cuisinière !» Quand on servit une belle dinde rôtie à point, l'officier s'écria. « Comment ? Ce n'est donc pas fini ? Et ce pâté, et les écrevisses, et la galette, et puis les friandises, c'est que Jeanne veut que rien n'y manque. » C'est vraiment beaucoup trop. Que faites-vous donc, maître Tixier, quand vous mariez vos filles, si vous donnez un repas comme celui-là à deux personnes ? Je n'en fais pas davantage, monsieur l'officier. Seulement, au lieu d'un pâté, il y en a 40. Au lieu d'une dinde, j'en mets 15, et ainsi de tout. Puis l'on défonce deux pièces de vin pour qu'il soit plutôt tiré. Eh eh, comme vous y allez dans votre pays. Et quand marierez-vous cette jolie blonde qui me donne une assiette ? Si maître Tixier veut m'écouter, dit Étienne Durand, le maréchal des logis-chefs, et que Joséphine n'ait pas oublié son ancien ami Thiénot, qui s'amusait à la faire sauter quand elle était petite, ça ne tardera pas. Si tu peux m'attendre, Joséphine, tu ne t'en repentiras pas. Tu seras bien heureuse avec moi. Ce n'est pas de refus, Étienne, dit le père Tixier. Vous êtes de braves gens, et ça me va. Mais il me faut un gendre qui demeure avec moi. Je t'en avertis. Justement, il y a trop de monde chez nous pour que j'y trouve place. Voyons, Joséphine, est-ce que je te fais peur, que tu détournes la tête ? Joséphine rougit et ne répondit rien. Mais Jeanne dit : Étienne, revenez après avoir fini votre temps de service, et ne vous occupez pas du reste. L'officier demande à maître Tixier s'il est heureux. Vous m'avez l'air d'être fort heureux, maître Tixier, dit le capitaine. Je connais bien des gens plus riches que vous et qui n'ont pas le bon esprit de savoir se contenter de leur sort. Ma foi, monsieur l'officier, quand tout mon monde se porte bien et est à l'ouvrage, que les blés sont bienvenants et les bergeries en bon état, je ne vois pas trop ce qui pourrait me manquer. Mais la grêle, les maladies. Que voulez-vous, monsieur ? Dieu a bien fait ce qu'il a fait. Nous savons ça mieux que les autres. Nous qui travaillons à la terre et qui soignons le bétail. La grêle et les autres fléaux sont des épreuves que Dieu nous envoie. Et il ne faut pas en murmurer. Les maladies nous avertissent que notre corps ne peut pas toujours durer, ou bien que nous le gouvernons mal. Ne trouvez-vous donc pas qu'il aurait mieux valu mourir sans souffrir ? Oh que non ! le mal que l'on endure fait penser à Dieu, qu'on n'a déjà que trop porté à oublier. Si le corps ne ressentait aucun mal, on ne saurait pas quand on abuse de ses forces. Et si, quand on se heurte quelque part, la douleur ne nous avertissait pas du danger, on se briserait comme verre, sans s'en douter. Savez-vous bien, maître Tixier, que vous parlez là comme un livre ? Je ne sais pourtant pas lire, malheureusement pour moi. Mais je fais attention à tout ce que j'entends, et je parle souvent avec notre curé, qui est un savant homme. Puis je rumine tout ça la nuit, car à mon âge on ne dort plus guère, et j'ai reconnu que Dieu a fait tout pour le mieux dans ce monde. Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis-là. Je me demande pourquoi nous ne sommes pas nés avec une bonne toison sur le dos pour nous préserver du froid, qui nous fait tant souffrir, et aussi pourquoi nous n'avons pas d'armes naturelles, comme les bœufs par exemple, pour nous défendre contre nos ennemis. Il me semble que Dieu ne nous a pas favorisés. Et cette tête et cet esprit qui n'est jamais en repos, répondit Tixier, les comptez-vous donc pour rien ? Tenez, il y a des gens qui se mettent de drôles d'idées dans la tête. Ils feraient bien de remercier le bon Dieu qui les a créés que de critiquer son ouvrage. Moi, je n'en cherche pas si long pour le bénir. Il me suffit de regarder les animaux qui sont autour de moi pour comprendre que je suis mieux partagé qu'eux. Voyons, mon capitaine, avez-vous jamais vu des chevaux ? Et pourtant cet animal n'est pas bête, semer de l'avoine, la récolter et la mettre à l'abri pour l'hiver. Ont-ils jamais eu l'idée d'atteler les hommes à la charrue et de les faire travailler pour eux ? Et ces bœufs qui vous semblent si bien armés ? Un enfant les conduit avec une baguette, et je crois bien que vous ne changeriez pas votre grand sabre contre leurs cornes. Mais il me semble que vous travaillez pour vos chevaux pendant une bonne partie de l'année. Écoutez donc, c'est trop juste. Je les prive de leur liberté à mon profit. Il faut bien qu'ils aient chez moi leur nourriture, puisqu'ils ne peuvent pas aller la chercher à leur fantaisie. Et mieux je les nourris, plus ils travaillent. C'est donc dans mon intérêt que je tâche de récolter beaucoup de trèfles et d'avoine. Mais pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure, qu'importe que l'homme n'ait ni plume ni toison, s'il a l'esprit de filer le chanvre et la laine, qu'importe qu'il naisse sans armes, s'il sait s'en faire avec tout. Tenez, monsieur l'officier, c'est être ingrat et offenser Dieu que de penser qu'il nous a moins bien traités que les animaux privés de raison, nous qui le connaissons et savons le prier. L'officier s'étonne d'entendre parler maître Tixier de cette façon-là. Mais où avez-vous pris tout ce que vous venez de me dire, maître Tixier, puisque vous ne savez pas lire ? Je vous l'ai dit, mon capitaine. Je fais attention à tout ce que j'entends, et la nuit je le repasse dans ma tête. Puis il ôta son chapeau, et regardant le ciel, il continua. Je lève souvent les yeux pour penser à celui qui est là-haut, et je les abaisse sur la terre pour le bénir. Quand je vois le ciel avec son beau soleil et ses étoiles, je dis que celui qui a fait tout ça s'y entend mieux que nous, et qu'il n'y a rien à redire à son ouvrage. Le soleil réchauffe les méchants comme les bons. La pluie fait pousser le blé de tout le monde, sans préférence pour personne. C'est pour nous faire comprendre qu'il faut être bon comme Dieu pour lui plaire. Mais à ce compte-là, maître Tixier, les méchants seraient aussi bien traités que les bons. Le Seigneur est mort pour eux aussi, mon officier, mais on n'est pas heureux en faisant le mal. Demandez à notre curé. Il vous dira qu'il n'y a point de repos pour les méchants, et que le mal qu'ils font les tourmente plus qu'il ne nuit aux autres. D'ailleurs, est-ce que nous n'avons pas les récompenses et les peines de l'autre vie pour nous rassurer là-dessus ? Laissons faire à la bonté de Dieu et confions-nous dans sa justice. Maître Tixier, vous êtes un digne homme, et je vous offre mon amitié en échange de la vôtre. Si vous l'acceptez, je m'en tiendrai fort honoré. Mon capitaine, tout l'honneur sera pour moi. Touchez-la, et si jamais vous avez besoin de Sylvain Tixier, venez le trouver sans crainte. La nuit comme le jour, il sera prêt à vous servir. Parlons affaire maintenant, Jeanne, va chercher ton mari. Maître Tixier vend ses juments. Voyons, grand Louis, mets-toi là. Tu vas boire un coup et manger des gâteaux de ta femme. Louise, donne-lui un verre. Voilà monsieur l'officier qui a grande envie de la grise. Faut-il la lui vendre ? Notre maître a votre volonté, mais je vous avertis que si vous la vendez, la blanche dépérira. Vous savez bien qu'elles ne peuvent pas se passer l'une de l'autre. Quand vous emmenez l'une des deux pour aller seulement à la ville, l'autre ne travaille pas la moitié autant qu'à l'ordinaire, et elle ne mange pas un seul brin de foin tant que vous n'êtes pas revenu. C'est une raison, ça, je n'y avais pas pensé. Mon capitaine, dit Étienne Durand, le colonel a besoin de chevaux de voiture. Si l'on prenait la grise et la blanche, sauf meilleur avis ? Vous avez raison, Durand. Voyons, maître Tixier, quel prix en voulez-vous ? Vous savez, monsieur l'officier, que j'ai refusé 2100 francs, et je vous ai dit la vérité. Mais comme je ne veux pas faire marchander un homme comme vous, donnez-moi 2000 francs nets et je serai content. C'est un peu cher, maître Tixier. Je n'en peux rien rabattre, et je vous demanderai encore une pièce de 20 francs par jument pour les épingles de Grand Louis. Qu'en dis-tu, toi ? Notre maître, répondit Grand Louis, je dis que c'est leur prix. Mais si monsieur l'officier sépare les pauvres bêtes, elles dépériront, je l'en avertis, car elles ne se sont jamais quittées. Allons, puisqu'il faut en passer par là, va donc pour 2000 francs et les épingles. Vous, mon garçon, soyez tranquille. Je vous promets que vos juments vivront dans la même écurie et qu'elles seront attelées à la même voiture. Maître Tixier, je ne peux pas prendre vos bêtes tout de suite. Vous me les amènerez à la foire de Vatan dans 5 jours. Je n'achète pas comme un particulier, moi. Il faut que mon marché soit signé des autorités. Je vais laisser les épingles à votre homme pour qu'il soigne bien mes juments. Adieu, maître Tixier. Merci de votre bon accueil. Étienne Durand demanda la permission de causer un instant avec Joséphine et partit plein d'espoir avec son officier. Maître Tixier est content de son marché. Maître Tixier dit à Jeanne qu'il fallait régaler tout le monde de la maison avec les restes du dîner, afin que chacun eût sa part de plaisir. À souper, Grand Louis dit « Notre maître, le cœur me saigne de perdre ma pauvre grise et la blanche, que j'ai élevée et soignée depuis 4 ans. Moi, je ne me reprends pas de mon marché. C'est une bêtise à un paysan d'avoir de si beaux chevaux dans son écurie. S'il leur arrive un accident, c'est une rude perte pour lui, et dont il se ressent longtemps. J'aurai pour 800 francs 2 beaux poulains, et le reste de mon argent servira pour marier Joséphine. Enfant, les juments ne sont plus à nous. Ainsi ne vous avisez pas de les faire travailler. Il faut me les soigner mieux que si leur nouveau maître était là, entendez-vous ? » La veille de la foire, Étienne Durand vint voir les chevaux. Mais il s'en occupa moins que de Joséphine. Il avait vu son père, qui trouvait bon qu'il épousât la fille de Tixier. Il dit qu'il reviendrait dans 8 mois, et Joséphine, qui le trouvait à sa convenance, promit de l'attendre. Jeanne a une petite fille, la petite Nanette. Jeanne eut une petite fille. Elle n'en cacha pas sa joie, quoique Grand Louis, qui désirait un garçon, fit un peu la grimace. Mais quand ils eurent embrassé la petite Nanette, car Jeanne voulut donner à sa fille le nom de l'excellente femme qui avait été pour elle une seconde mère, il fut si aise qu'il ne pensa plus au garçon. On baptisa l'enfant, dont Louise fut marraine avec Guillaume, son beau-frère. La petite Nanette était si douce, si tranquille, qu'on ne l'entendait jamais crier. Quand elle avait tout ce qu'il lui fallait, on la posait sur le lit de la maîtresse, à côté d'elle, et on ne la tenait jamais sur les bras. « Eh bien, disait maître Tixier, cet enfant qui devait me casser la tête, je ne l'ai pas encore entendu. Vous la laissez sur le lit comme une souche. Si elle était méchante, vous seriez tout après. Et parce qu'elle est douce, vous ne vous en occupez seulement pas. C'est toujours comme ça. » « C'est bien vrai, mon père, dit Louise, mais Jeanne ne veut jamais que je la prenne. »« Ne l'écoute pas, ma fille, moi je te commande de la promener. »« Notre maître, elle en prendra l'habitude, puis elle ne voudra plus rester au lit. »« Ne voilà-t-il pas un grand malheur ? Vous êtes 6 femmes ici et vous ne pouvez pas tenir cette petite les unes ou les autres. »« Si c'était aussi bien l'enfant de Joséphine, tu ne la laisserais pas comme ça. »« Mais notre maître, ce n'est pas la même chose. »« Et moi je te dis que si, entends-tu ?» Étienne Durand revient du régiment pour épouser Joséphine. Étienne Durand revint au bout de 8 mois, comme il l'avait promis. Il passa au grand bail avant d'aller chez son père, tant il était impatient de savoir par lui-même si Joséphine l'avait attendu. On fut bien content de la revoir, et un mois après son retour, on fit la noce chez ses parents, dont la ferme n'était qu'à 1/4 de lieue du grand bail. Qu'est devenu ton capitaine ? Dit maître Tixier en ramenant sa fille chez lui. Il a eu de l'avancement et on l'a envoyé en Afrique. Un jour que le père Tixier dînait à sa petite table, comme à son ordinaire, son gendre lui dit « Quel profit trouvez-vous donc, mon père, à manger du pain d'orge ? C'est une mauvaise nourriture. Il en faut de très grandes quantités, et il n'y a pas de pain qui se pétrisse plus mal ni qui soit plus difficile à conserver. » « Et que veux-tu donc que je fasse de mon orge, Étienne ? Il n'en faut pas récolter du tout, ou du moins n'en récolter que bien peu. » Dans un pays affrement comme celui-ci, c'est une duperie que de semer de l'orge. Mais je ne peux pas toujours faire du froment. La troisième année, il faut bien occuper les terres. D'abord, mon père, vous en labourez trop. Si vous en faisiez un tiers de moins, elle serait mieux fumée. Elle vous coûterait moins de la façon et vous récolteriez autant. C'est pourtant vrai ce que tu dis là, Étienne. Mais il faut cependant que mes terres soient occupées. Eh bien, vous sèmerez deux fois plus de trèfle et de sainfoin. Vous éleverez du bétail qui vous rapportera de bon argent et vous pourrez fumer davantage vos terres et les améliorer. C'est comme vos foins. Vous les coupez beaucoup trop tard, lorsqu'ils sont déjà durs. Ordinairement, vers la fin de mai, il y a un vent qui souffle entre le nord et le levant et qui donne du beau temps pour une semaine au moins. Coupez votre foin alors. Vous en aurez davantage. Il aura plus de goût. Et vos bêtes le mangeront sans en gaspiller. Et puis vos regains seront plus précoces. Vous les serrerez avant les pluies d'automne, qui les gâtent si souvent. Voulez-vous me laisser essayer cette année? J'ai bien observé ce que j'ai vu dans les autres pays, et je voudrais mieux faire qu'on ne fait ici. C'est comme les moutons, à qui vous ne faites de litière que tous les mois, et dont la bergerie n'est nettoyée que deux fois par an. Croyez-vous y trouver du profit? Mettez donc souvent de la litière, et qu'on ôte le fumier tous les mois. Le chaume ne manque pas ici, et vous verrez vos bêtes. » Le père Tixier, qui n'était pas têtu, fit ce que voulait son gendre. Il cultiva aussi des betteraves et des carottes dans ses terrains légers, et il s'en trouva bien. Simon tire au sort et amène un mauvais numéro. Le jour du tirage approchait. Maître Tixier consulta son gendre pour savoir s'il valait mieux mettre à l'assurance pour Simon que de courir la chance de tirer un bon numéro, quitte à chercher un homme si l'on en avait besoin. « Moi, dit Étienne, je vous conseille de ne faire ni l'un ni l'autre. Si votre fils tire un mauvais numéro, laissez-le partir. Rien ne fait plus de bien à un garçon que de voir un peu de pays. Cela lui ouvre les idées. Je serais bien fâché d'être resté chez nous au lieu d'aller au régiment. Je ne savais rien quand je suis parti. Et maintenant, je sais lire, écrire et parfaitement compter. J'ai oublié toutes les bêtises qu'on se met dans la tête quand on n'est jamais sorti de son endroit. Et j'ai de reste les 1500 francs qu'un homme m'aurait coûté. Est-ce que tu as peur de partir, Simon ? Mais non, pas trop. J'aimerais bien avoir du pays. Tu as raison, mon frère. D'ailleurs, l'on apprend à obéir quand on est au corps. Et quand on sait bien obéir, on sait bien commander. Le père Tixier suivit le conseil de son gendre. Le sort tomba sur son fils et il attendit patiemment qu'on l'appelât sous les drapeaux. Jeanne veut se faire bâtir une maison. Jeanne dit un jour à son mari : « Grand Louis, Joséphine est mariée, nous avons un enfant. Nous pouvons en avoir d'autres. Il faut songer à nous retirer, mon homme. Nous commençons à être de trop dans la maison. » « Je crois que tu as raison, ma femme, mais où aller demeurer ? J'ai envie de bâtir une petite maison bien propre, bien commode, avec un jardin par devant. Qu'en dis-tu ? Je dis que ça nous coûtera beaucoup. » Mais ce serait bien mieux. Et puis les gens qui sont logés chez eux font meilleure figure. Tiens, grand Louis, il faut la bâtir sur la pièce de terre que j'ai achetée du père Colis. C'est tout auprès du chemin et la terre est excellente. Il ne faudra pas longtemps pour qu'elle fasse un bon jardin et une bonne chenevière. Parlons-en à notre maître. Tixier dit qu'il n'avait pas tort de vouloir être chez eux, mais qu'on avait bien le temps d'y penser. Pas déjà tant, maître. Il faut commencer à s'en occuper. On ne plante pas une maison comme un arbre. » Le dimanche suivant, ils allèrent voir le champ tous ensemble. Jeanne expliqua qu'elle voulait que sa chambre fût élevée sur l'étable, qu'on creuserait de deux pieds pour la rendre plus chaude l'hiver, et qu'elle demanderait à Madame Lisor, qui s'était mariée presque en même temps qu'elle, de lui en faire un dessin. « Allons-y tous trois de ce pas, » dit le père Tixier. Quand ils furent arrivés chez Madame Dumont, on leur fit voir différents dessins de maison. Jeanne en choisit une qui avait un petit perron de 10 marches sur le côté et une galerie sur la façade. Le toit avançait 1 mètre tout autour pour garantir le perron et la galerie, ce qui permettait aussi de mettre les ustensiles de culture à l'abri sur les 2 autres côtés. Cette maison contenait d'abord l'étable en bas et un cellier aussi creusé de 2 pieds, et dans l'étable un petit endroit qui n'existe pas ordinairement dans les maisons de paysans, et auquel Jeanne tenait beaucoup par propreté. Au-dessus, 2 chambres et un petit escalier pour aller au grenier, car Jeanne trouvait bien laid pour une femme de monter à l'échelle. Mais il fallait au moins 1500 francs pour bâtir cette maison, et grand Louis trouvait que c'était bien lourd pour sa bourse. Maître Tixier lui dit « Ne t'en inquiète pas, grand Louis, je te prêterai 700 francs remboursables en 7 ans, et comme j'aime à être payé exactement, je te les ferai signer. De cette façon, tu pourras conserver un peu d'avance. » « Mon Dieu, que vous êtes bon, notre maître, dit Jeanne. Quand je serai dans notre maison, je penserai toujours que c'est à vous que je dois mon bonheur. » On commence la maison de Jeanne. « Puisque vous voulez bâtir, mes enfants, dit maître Tixier en rentrant chez lui, commencez donc tout de suite. Pour qu'une maison soit saine, il faut qu'elle sèche au moins pendant 1 an. Grand Louis, ce n'est pas encore le temps des foins. Profite de ce qu'il n'y ait pas grand-chose à faire ici pour te procurer des matériaux. Notre maître, je vais prendre le père d'Arnaud, qui a un bon cheval et qui me conduira tout ce qui est nécessaire. Il n'est pas juste que j'emploie pour moi le temps que vous me payez. Et moi, je te le dis qu'il est juste d'aider un brave domestique qui m'a servi pendant 15 ans. Je n'entends pas que tu te serves d'autres bêtes que des miennes. » Maître Tixier fit faucher le sainfoin qui était dans le champ de Jeanne, et l'on mit les ouvriers à creuser les fondations. La bâtisse allait son train, et quand Jeanne n'avait rien à faire, elle promenait la petite Nanette jusque-là. Si les ouvriers ne comprenaient pas bien le plan de Madame Isor, elle le leur expliquait. Après la moisson, l'on posa la charpente, mais l'on n'enduisit pas encore les murs, afin qu'ils eussent le temps de sécher entièrement jusqu'au printemps suivant. Quand la maison fut couverte, Jeanne dit qu'il fallait bêcher le jardin, afin de le planter à l'automne. « Je veux beaucoup d'arbres fruitiers, dit-elle, et de toutes les espèces. Il y en aura au bord des allées qui couperont le jardin en 4 carrés, et puis dans celle qui en fera le tour. Et je veux des pêchers le long du mur, au midi, et des treilles qui garniront notre galerie. » Maître Tixier s'étonne que Jeanne veuille tant d'arbres dans son jardin. « Que veux-tu donc faire de tous ces arbres, ma Jeanne ? Lui dit son maître. « Un jour ils rapporteront notre maître. » Et ce sera le profit de Nanette, qui vendra leurs fruits à la ville. Vous verrez comme elle sera fière de vous porter ses premières pêches. Et comment empêcheras-tu ton bétail de mettre le jardin en friche? Mais la porte de l'étable donne sur le côté et au couchant. On fermera la petite cour et aucun animal, pas même les poules, ne viendra dans mon jardin. C'est votre gendre qui m'a donné cette idée-là. Quand je lui ai dit combien je trouvais désagréable d'avoir le fumier devant ma porte pour empester ma maison. « Est-ce que vous croyez, notre maître, que les gens du bourg en voudraient pis, s'ils plantaient des vignes et des arbres le long de leurs murs, comme on fait dans cette Normandie, où Durand est resté si longtemps ? Le village est si sale qu'on ne sait vraiment par où passer. Ce n'est pas sain pour les enfants, toute cette paille pourrie, et la puanteur qu'elle donne. Comment pourrait-il s'accoutumer à la propreté au milieu de cette ordure ?» La famille Dumont vint voir la maison de Jeanne quand elle fut finie. On parla des plantations, et M. Dumont dit que ces pépinières étaient bien garnies. Il donnerait tous les arbres dont on aurait besoin. « Et moi, dit Mme Isor, je t'apporterai des fraises de tous les mois pour border tes allées. »« Si tu m'en crois, petite Jeanne, dit M. Dumont, tu engageras ton mari à peindre tous les bois qui sont exposés à l'air. Ce sera un peu coûteux parce que ta charpente dépasse les murs, mais au fond c'est une économie. » La peinture préserve le bois des vers et de la pourriture. D'ailleurs, Grand Louis achètera de l'ocre à la livre et de l'huile de rebut. Il broiera lui-même la couleur et peindra ensuite. Ce n'est pas bien difficile. Oui, monsieur, il n'est pas maladroit. Et il en viendra bien à bout. Jeanne admire sa maison. Vers la Saint-Jean de l'année suivante, l'on crépit les murs et l'on plafonna les chambres pour qu'elles fussent plus chaudes. Jeanne fit mettre une petite couche de plâtre à l'intérieur. Elle avait eu pendant l'hiver un garçon, à qui son parrain, maître Tixier, avait donné le nom de Sylvain, et elle sentait qu'il était temps de quitter le grand bail. Quoique Étienne Durand, qui gouvernait à peu près tout dans la maison, fût toujours bon pour elle et pour son mari, il aurait fini par s'ennuyer de leurs enfants. Elle se mettait souvent à la porte pour regarder sa maison. Louise lui disait « Ah, comme tu voudrais y être déjà !» « C'est vrai, ma Louise, je vous aime pourtant de toutes mes forces, et j'ai bien lieu de vous aimer. Mais vois-tu, c'est plus fort que moi. Quand je pense que nous serons dans une maison à nous, il me semble que mon cœur éclate au-dedans de moi. C'est si bon de se sentir chez soi et de se dire qu'on est à l'abri pour le reste de ses jours. Et des meubles, petite Jeanne, sais-tu que ton pauvre lit et l'armoire de la mère Nanette ne feront pas grande figure dans ces chambres si blanches ? C'est bien là mon souci. Je n'ose pas en parler à grand Louis. Les hommes ne comprennent pas combien une ménagère est contente d'avoir un joli mobilier. Il a dépensé tant d'argent pour cette bâtisse qu'il ne serait peut-être pas raisonnable de penser à autre chose. Pourtant, comme ton père lui en a avancé, nous avons bien encore de quoi acheter une armoire et un lit. Eh bien, moi, je lui en parlerai à souper, sois tranquille. » Louise plaisante grand Louis sur son vilain mobilier. Le soir, Louise dit à grand Louis, « Est-ce que tu comptes mettre dans ta belle chambre le vilain lit de Jeanne et son vieux coffre ? Ce sera joli. Tout le monde se moquera de toi. Ils diront qu'au dehors tu fais le pharo, avec ta maison qui n'est pas faite comme les autres, et qu'au dedans tu n'as pas seulement de quoi te coucher. Tu as bien raison, ma Louise, et j'y pense depuis longtemps. Je sais bien que Jeanne a envie d'un mobilier neuf, quoiqu'elle n'en dise rien. Et moi je ne suis heureux que quand elle est contente. Il nous faudrait un lit, une armoire et des chaises cirées. Son vieux coffre servirait de huche à pétrir le pain. Et où donc veux-tu qu'elle mette le linge que vous quitterez toutes les semaines quand elle l'aura passé par l'eau ? Il y aura trop de choses dans le grenier pour l'y placer, et tu ne veux pas, j'espère, le voir traîner dans la maison. Mais Louise, crois-tu que ce serait bien d'acheter du mobilier quand je dois tant d'argent à ton père ? Allons, dit maître Tixier, le voilà encore là-dessus. Mais puisque je t'ai dit têtu, que je te le ferai gagner. Tu l'aurais là dans le creux de ta main que je n'en voudrais pas. C'est une récompense que je veux te donner, moi. Es-tu donc trop fier pour la prendre tout simplement ? D'ailleurs, tu sais bien que je ne refuse pas d'obliger un ami dans l'embarras. Seulement, je vais être remboursé aujourd'hui, car j'aime l'exactitude avant tout. C'est bien ça qui me tracasse, car si je venais à mourir avant de vous avoir remboursé, eh bien, je prendrais un de tes champs en paiement. Ainsi, n'en parlons plus, ça m'ennuie. Ah, écoute donc ce que je vais te dire. Prévôt de la Bordinerie n'a pas voulu me croire quand je lui disais « Fauche tes prés, tu laisses trop mûrir ton foin. Tes seigles auront besoin d'être coupés avant que tu aies fini ta fauchaison, et tu te trouveras dans l'embarras. Tu ne sauras auquel aller, et si le temps se mettait à la pluie, comment ferais-tu ?»« Bah, père Tixier, me répondait-il, vous voyez toujours tout en noir. Parce que vous êtes plus vieux que moi, vous voulez avoir raison sur tout. C'est que, Prévôt, j'ai fait plus d'une bêtise dans ma vie, et je sais ce qu'il en coûte. Tu ne veux pas m'écouter, eh bien, tu verras. Ça n'a pas manqué, voilà le temps qui menace. Il a été obligé de prendre le double de monde pour faucher et pour faner. Et il est venu demander à Étienne la grande voiture à échelle et les juments. Mais j'ai défendu de rien lui donner. Il a fait la sottise, il faut qu'il la boive. Notre maître, dit grand Louis, quand Prévôt est venu vous dire l'an passé qu'il avait quelques bonnes bouteilles de vin blanc que sa défunte tante lui avait laissées, et qu'il fallait venir les boire avec lui, je me souviens que vous n'y avez pas manqué. C'est vrai, et c'était du fameux vin encore. Pourquoi donc ne l'aideriez-vous pas à boire sa sottise aujourd'hui, comme vous l'avez aidé à boire son vin l'an dernier ? C'est juste, grand Louis, j'ai tort et tu as raison. Il faut aider Prévôt, qui court grand risque de perdre ses foins. C'était mal ce que je disais là. On a beau faire, ce chien d'orgueil revient toujours. Tu prendras tes juments et ta voiture à Ridel, et tu travailleras pour lui tant qu'il n'aura pas serré son fourrage. Jeanne va commander ses meubles. Le jeudi suivant, maître Tixier emmena Jeanne en ville pour acheter ses meubles. « Mon père, dit Louise, emmenez-moi donc aussi, je voudrais choisir les étoffes de son lit avec elle. Et la petite Nanette ? Je vais la faire bien belle, et je l'emmènerai comme Jeanne emmène Sylvain. » En chemin, le père Tixier dit à Jeanne, « Ne va pas faire la sotte au moins, j'entends que tu commandes tout ce qu'il te faut. D'ailleurs, je serai là, et nous verrons bien. » Quand ils furent chez le menuisier, Jeanne commanda une belle armoire en noyer, un lit, une table et une huche du même bois, et le menuisier dit qu'il lui donnerait une table commune par-dessus le marché, et un moulin pour sasser ta farine. « Notre maître, ce n'est pas bien nécessaire pour l'instant. Vous me laisserez bien sasser chez vous. Ce sera un peu de peine pour grand Louis qui portera le sac et voilà tout. Je ne veux point de ça, tu vas te commander un joli moulin pareil aux autres meubles. Je n'entends pas qu'il manque quelque chose à ton ménage. » Ils choisirent 6 chaises en noyer et le père Tixier acheta un petit fauteuil semblable, en disant que ce serait pour son filleul quand il pourrait s'en servir. On alla ensuite chez le marchand d'étoffes pour prendre les rideaux du lit. « J'aurais bien désiré qu'ils fussent en serge verte, dit Jeanne à Louise. C'est plus cossu, mais je n'ai pas assez d'argent. » Elles choisirent donc une belle cotonnade rouge à raies. Louise força Jeanne à prendre une jolie indienne à fleurs bleues sur un fond blanc, pour faire l'intérieur du lit et la courte pointe, et enfin une bonne couverture de laine. Puis elles achetèrent aussi tous les menus ustensiles nécessaires dans un ménage. « Vois donc, ma Louise, j'avais apporté 200 francs, et il ne m'en reste plus que 10. Que ça coûte donc de se mettre à son ménage ?»« Que veux-tu, ma pauvre Jeanne ? On ne s'y met qu'une fois dans sa vie. Mais tu es si propre, si ménagère, que tout ton mobilier aura toujours l'air neuf. » Jeanne chargea une habile ouvrière de faire ses rideaux ainsi que la garniture de son lit, et demanda qu'on les lui rendît le plus tôt possible. « Pourquoi donc tant te presser, Jeanne ? Tu as bien le temps de te mettre à ton ménage. » « Non, je n'ai que le temps bien juste. Avec mes deux enfants, je ne fais plus rien chez vous. C'est à peine si je gagne le pain que je mange. Il faut que ça ait une fin et que j'aille dans ma maison entre la moisson et les vendanges, au temps où grand Louis n'est pas occupé. » Jeanne déménage peu à peu. Quand le mobilier fut rendu et mis en place, grand Louis dit à son maître « Votre maison est trop pleine et cette autre là-bas s'ennuie d'être vide. C'est-à-dire que tu as grande envie d'y aller, c'est tout naturel. Mes enfants, arrangez ça ensemble. Mais je te préviens que j'ai besoin de toi jusqu'après les vendanges. Est-ce que je ne serai pas toujours prêt pour vous servir là-bas comme ici ? Petite Jeanne, je te préviens aussi que je veux planter la crémaillère le jour où tu feras bénir ta maison. » « Et je ferai les frais du souper, tu m'entends ?» Jeanne emportait son linge et ses habits peu à peu, et elle les rangeait au fur et à mesure. Louise aidait quand elle le pouvait, et bientôt il n'y eut plus que son lit à transporter, car grand Louis avait déjà conduit le coffre et l'armoire de la mère Nanette. Il fut convenu que le dimanche au matin, on démonterait le lit. Monsieur le curé devait bénir la maison le soir. Le colporteur revient au grand bail. Le samedi, pendant le dîner, l'on vit venir une voiture attelée d'un petit cheval qui paraissait fort vigoureux. Elle s'arrêta à la porte et il en descendit un beau jeune homme qui sauta d'un bond dans la maison. Chacun le regardait avec étonnement. Quand il vit que personne ne le reconnaissait, il ôta son chapeau et Maître Tixier s'écria « Tiens, c'est le colporteur !» Et il n'était pas difficile de le reconnaître à la cicatrice qui lui traversait le front. « Ma foi, mon garçon, j'ai bien cru que tu nous avais oubliés. Nous parlions de toi quelquefois avec monsieur le curé, qui disait toujours que nous te reverrions tôt ou tard. Il avait raison, le saint homme. Je n'oublie point ceux qui m'ont obligé. Parlez-moi de lui et dites-moi s'il va toujours bien. Oui, Dieu merci, et j'espère qu'il vivra longtemps encore. Mais puisque tu nous trouves à table, mets-toi à ton ancienne place, sans cérémonie, tout comme autrefois. De grand cœur, maître Tixier. Mais auparavant, je vais dételer mon cheval qui a grand chaud. C'est juste, il faut avoir soin des animaux qui nous rendent service. Mais ne te dérange pas, on va mettre ton cheval à l'abri et lui donner ce qu'il lui faut. » Le colporteur se mit à table, et on lui apprit que Jeanne était mariée à grand Louis et qu'il devait se mettre à leur ménage le lendemain. « Je ne vois pas votre fille aînée, ni cette écervelée de Marguerite, ni le bouvier Claude. Ma Solange est mariée et demeure dans une métairie tout près d'ici, qui appartient aussi à M. Dumont. Claude a épousé Marguerite et s'en est allé dans le bourg. C'est un triste mariage qu'il a fait là, quoiqu'il n'ait guère d'esprit, c'est un brave garçon et bien courageux. Et cette jeune fille-là, dit le marchand, en désignant Louise, est-ce que c'est ce petit lutin qui sautait toute la journée autour de Jeanne ? Oui, mon ami, mais si elle a grandi, sais-tu que toi aussi tu es grandi et changé ? C'est à peine si je t'ai reconnu. Après dîner, le marchand s'en alla chez M. le curé. Il n'en revint que pour souper. Avant de se mettre à table, il entra dans la grange où l'on avait rangé sa voiture, et il rapporta 3 couvertures de coton, 2 cravates noires et un très beau foulard. Il offrit une couverture à chacune des filles mariées, l'autre à Jeanne et le foulard à Louise. Puis il prit les cravates noires et voulut en donner une à Étienne Durand et l'autre au maître. « Mon garçon, dit celui-ci, je n'entends pas que tu te ruines pour nous. Je veux bien t'acheter quelque chose. » Mais je n'accepterai rien, absolument rien. Maître Tixier, vous ne me causerez pas une humiliation pareille. Si on impose des obligations à ceux à qui l'on rend service, on en contracte aussi envers eux. Il ne faut pas refuser aux gens à qui l'on fait du bien le plaisir de se montrer reconnaissant. Tu as raison, je n'ai plus rien à dire. Donne mon garçon et grand merci. Et chacun prit ce que lui avait apporté le marchand. le colporteur vend à tout le village. Le lendemain, après la messe, que le colporteur entendit bien dévotement, il étala sa boutique sur la place de l'église, et il annonça à haute voix qu'il vendrait ses marchandises au prix coûtant, en reconnaissance du service qu'on lui avait rendu autrefois dans le pays. Chacun s'approcha et acheta ce qui lui convenait. Il dîna chez M. le curé. Pendant que les femmes de la ferme s'occupaient à préparer le souper dans la maison de Jeanne et y transportaient tout ce qui était nécessaire, Louise mit sans n'en rien dire une petite provision de toutes choses dans la huche de Jeanne, avec deux grands pains de froment. Après les vêpres, M. le curé vint bénir la maison, et ensuite l'on se mit à table. Toute la famille du grand bail était là, excepté la maîtresse, qui ne se levait plus. Solange était venue aussi avec son mari. « Te voilà donc dans ta maison, ma Jeanne, » dit maître Tixier. « Tu vas être heureuse, mais nous nous apercevrons bien que tu n'es plus avec nous. » « Il fallait bien, » dit monsieur le curé, « que ces braves gens finissent par se mettre à leur ménage. J'ai béni la maison de bon cœur, car je suis bien sûr qu'il ne s'y fera jamais rien de mal, et que les enfants y seront bien élevés. » « Elle s'y prendra de bonne heure, monsieur le curé. Ne fait-elle pas déjà compter sa petite Nanette? Y a-t-il du bon sens ?»« Notre maître, est-ce que vous ne serez pas content quand à la veillée, la petite vous lira de jolies histoires ?»« Mais crois-tu, Jeanne, que si elle apprend si tôt à lire, ça ne la dégoûtera pas de travailler ?»« Soyez tranquille, notre maître. Ce qui entre dans la tête ne gâte pas les doigts. Et ceux qui l'ont pleine de toutes sortes de bonnes choses travaillent aussi bien que les autres, s'ils ont du courage. N'est-ce pas, monsieur le curé ?» Monsieur le curé donne raison à Jeanne. Jeanne a raison, dit le curé. Ne vaut-il pas mieux le dimanche passer son temps à faire une lecture, ou bien à enseigner à lire aux autres, que de se disputer ou de faire des commérages aux dépens du prochain? J'ai toujours vu que les hommes qui savent quelque chose sont plus faciles à vivre que les autres, et les femmes qui ont appris à lire, à écrire, et qui savent se servir de l'aiguille, sont plus assidues dans leur maison et la tiennent plus proprement. Voyez donc grand Louis, pourtant, il ne sait pas seulement signer son nom. Aussi notre maître, s'écria celui-ci, avant que d'avoir trouvé Jeanne, je ne valais pas grand-chose, je brutalisais tout le monde. Est-ce qu'elle aurait tant d'idées, Jeanne, dit Joséphine? Est-ce qu'elle serait si bonne si les dames du mont ne lui avaient appris tant de choses? Tu as bien raison, ma Joséphine, j'aurais fait comme tant d'autres qui ne pensent à rien du tout. Aussi, après le bon Dieu qui m'a donné une âme et ma pauvre mère qui m'a mise au monde, après la mère Nanette qui m'a tiré de la misère, je dois tout à ces dames. Car vous ne m'auriez pas tant protégé, maître Tixier, si elles n'avaient pas pris soin de moi. Aussi je serai reconnaissante envers elles jusqu'au dernier jour de ma vie. Le colporteur parle de ses affaires. Monsieur le curé, dit Louise, vous aviez une bien belle nappe d'autel ce matin à la messe. Je parie que c'est ce jeune marchand qui vous l'a apportée. Oui, ma fille. Il a voulu faire ce cadeau à ma pauvre église. C'est un brave cœur qui n'a oublié aucun de ceux qui l'ont obligé. Tu as donc fait de bonnes affaires, toi, dit maître Tixier, en s'adressant au colporteur. Je vois que tu as un cheval et une voiture, sans compter ce qu'il y a dedans. Mais oui, mes petites affaires ne vont pas trop mal. C'est la récompense de votre bonne conduite, dit le curé. Pour vous dire toute la vérité, j'ai eu bien de la peine à prendre des habitudes régulières. J'ai souvent rencontré d'anciens camarades qui se moquaient de moi, et j'ai été plus d'une fois sur le point de céder à leur raillerie et de les imiter. Mais quand mes yeux rencontraient un miroir et que je voyais ma cicatrice, je pensais à vous tout de suite, monsieur le curé, et aussi à la maison du père Tixier, et je redevenais fort contre la tentation. Il est si difficile de rompre avec les mauvaises habitudes. Vous dites là une grande vérité, mon ami. C'est pourquoi l'on ne se réveillait de trop près à s'en préserver. Enfin, j'ai contracté celle de la bonne conduite et du travail. Je me suis donné bien du mal. J'ai parcouru toute la France, marchant la nuit et vendant le jour, faisant souvent beaucoup de chemin en vue d'un petit bénéfice, et vivant de peu. J'arrive de Paris, où j'ai retrouvé mon père, que je n'avais pas vu depuis 8 ans. Jugez si j'ai été heureux d'être en état de le tirer de la carrière où il travaillait, ce qui était un métier trop dur pour son âge. J'ai pu lui acheter le fonds d'un de ces petits commerces des rues, qui, à Paris, suffisent à nourrir leur homme. Me voici le cœur content en pensant que mon pauvre père n'aura plus à souffrir, et je compte bien l'aller voir de temps en temps. Nous sommes tous bien heureux, dit grand Louis, de vous voir en si bon chemin.